Las, où est maintenant? Las, où est maintenant ce mépris de fortune? Où est ce cœur vainqueur de toute adversité, cet honnête désir de l'immortalité, et cette honnête flamme au peuple non commune? Où sont ces doux plaisirs qu'au soir, sous la nuit brune, les muses me donnaient, alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage écarté, je les menais danser aux rayons de la lune? Maintenant la fortune est maîtresse de moi. Et mon cœur, qui saoulait être maître de soi, et serve de mille maux et regrets qui m'ennuient. De la postérité, je n'ai plus de soucis. Cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi. Et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient.